Selon Yonhap News de Corée du Sud, les porte-parole des partis de l'opposition de Corée du Sud, Parti démocrate de Buron, Parti du peuple et Parti de la justice, ont critiqué Park Geun-hye qui s'est moqué des citoyens dans une conférence de presse du 1er janvier.